Chapitre 8e. L'héroïque mensonge. Le médecin prouvait par ses phrases où se soulageait, en s'épanchant, le flot amassé de ses mélancolies, que les diagnostics moraux sont plus malaisés à porter que les autres. Il ne se doutait pas que chaque protestation de son retour à la confiance meurtrissait cette âme de femme à une autre place. Les natures vraiment profondes et délicates, comme était Madeleine, ne se plaisent à elles-mêmes que s'ils sont dans la vérité complète, non seulement de leurs devoirs, mais de leurs sentiments. S'il arrive qu'un conflit entre ce devoir et ses sentiments les oblige à sacrifier ceux-ci, elles n'hésitent pas à faire cette immolation dans leurs actes. L'épreuve la plus dure pour elles est de mentir sur l'état de leur cœur. Elles ont beau s'affirmer, comme dans ce cas, que de montrer la souffrance de leur martyr serait en détruire les faits, elles ne peuvent s'empêcher de subir une sorte d'obscur remords, quand ils ont réussi à donner le change sur leurs émotions les plus secrètes. Le scrupule les saisit. L'insincérité qu'elles savent pourtant si nécessaire trouble leur conscience. Elles s'accusent d'être hypocrites, et elles n'ont même pas pour récompense d'un effort où leur être se brise cette satisfaction morale que leur dévouement semble mériter. Et voici qu'une tentation l'envahissait, celle d'être vraie à l'égard de quelqu'un, que son sacrifice fût connu, du moins qu'il fût plein. Par qui ? Par celui-là même qui le partagerait. Que de femmes, intimement, résolument honnêtes et imprudemment passionnées comme elle, ont, comme elle, caressé ce dangereux projet d'avouer leur amour à l'heure même où elles y renonçaient. C'est la suprême épreuve d'une vertu que ce combat contre l'aveu dans l'adieu. Et Madeleine le soutenait avec elle-même dans la nuit qui suivit cette explication avec son mari. Elle était couchée dans son lit, toute lumière éteinte. Sous la porte qui séparait sa chambre à coucher de celle du médecin, elle pouvait voir briller une raie de lumière, et quand elle tendait l'oreille, elle distinguait le bruit de papier froissé. Elle se rendait compte que Liébeau non plus ne dormait pas. Il avait été trop secoué par les émotions de la soirée. Tout le symbole de l'histoire secrète de ce ménage tenait dans ce contraste entre les insomnies des deux époux. Lui avait repris son travail, ou du moins Madeleine le croyait. Elle le voyait accoudé sur la petite table placée dans l'angle où il transportait de son grand bureau, le soir, les notes qu'il voulait classer avant de s'endormir, les épreuves qu'il se proposait de corriger. Elle ne le blâmait pas d'avoir l'énergie de cette besogne, si étrangère à leur commune préoccupation. Mais c'était une évidence trop accablante que leur sensibilité ne réagissait pas de même. Quelle femme, avec toutes les finesses et toutes les intelligences, a jamais pu comprendre ce phénomène de dédoublement qui permet à un homme d'étude de se remettre, les larmes aux yeux, le cœur serré, à des recherches de l'ordre le plus froidement technique. Tout à l'heure, quand Liébeau l'avait quitté, Madeleine avait pu lire sur la première page d'une brochure que le docteur portait à la main avec quelques autres, un cas de maladie osseuse de Paget. C'était le signe très humble, très simple, que ce mari, passionnément épris de sa femme, exerçait aussi un métier, et que ses énergies professionnelles continuaient d'agir presque automatiquement. Ce détail suffit pour que Madeleine se sentît plus seule encore, et l'écheveau de ses pensées commença de se dévider dans le silence de la nuit, si propice à ses méditations douloureuses de l'insomnie et de la fièvre. Quelle journée songeait-elle, et quelle soirée, et demain? François est rassuré maintenant, il travaille. C'est la preuve que j'ai réussi, et que ses soupçons se sont en allés. Il faut qu'il ne revienne jamais, qu'il ne comprenne jamais ce que j'ai souffert. Et haussant ses minces épaules, elle frissonnait sous le châle de fine laine, dont elle s'était enveloppée par-dessus la soie souple de sa chemisette de lit, tant elle se sentait glacée et mal à l'aise. Mais comment le comprendrait-il? C'est un bien grand cœur et un bien grand esprit. Il n'a jamais su, il ne saura jamais, ce que c'est qu'une femme. Lui, si bon, il est allé me livrer à cette pauvre Agathe. Ah, c'est à elle qu'il sera difficile de cacher mon secret. J'y avais pourtant réussi. Sans cela, m'aurait-elle supplié de faire cette démarche? Eh bien, Agathe me verra souffrir. Elle n'ira pas raconter ses observations à François, du moment qu'elle aura constaté que je ne me mets pas au travers de sa vie, et je ne m'y mettrai ni s'il l'aime, ni s'il ne l'aime pas. Elle ne désignait jamais Brissonnet autrement quand elle s'en parlait à elle-même, que par cette île impersonnelle, ne voulant pas l'appeler du nom qu'il portait pour tous et ne se permettant pas cette douceur du prénom, si pénétrante pour le cœur d'une femme éprise et dont s'enivrait secrètement sa sœur. S'il l'aime, je le lui donnerai. S'il ne l'aime pas, que de fois elle s'était posée cette question, et toujours elle y avait répondu avec un frémissement de sa sensibilité plus forte que toutes ses résolutions. Non, il ne l'aime pas. Que de fois elle s'était interdite de se formuler avec la netteté de cette parole intérieure, aussi précise que l'autre, cette conclusion. S'il ne l'aime pas, c'est moi qui l'aime. Pourquoi, à la veille de cette entrevue où elle se préparait à mettre l'irréparable entre elle et cet homme, les redisait-elle, ces mots dangereux, ces mots coupables déjà, et non plus dans le silence de son cœur, mais à mi-voix, comme pour mieux en savourer la volupté défendue. « Oui, c'est moi qui l'aime, c'est moi. » Elle se répétait, « Il m'aime. Il me le dira demain. J'ai bien le droit de l'entendre me le dire, puisque ce sera notre dernière rencontre. Et moi, que lui répondrai-je? Que je l'aime aussi et qu'il doit partir, puisque je ne suis pas libre. » Il emportera du moins cette consolation, dans cet adieu qui sera éternel, de savoir que son sentiment est partagé, et moi, cette minute de vérité, me paiera de mes souffrances passées et futures. Elle me donnera la force de vivre ensuite, de remplir tout mon devoir. Elle se vit en face de l'officier d'Afrique et, regardant sur ce visage si fier, si pétri de noblesse et de douleur, l'extase qui s'y peindrait quand elle aurait murmuré cet aveu. Nous nous quitterons alors sans que sa bouche ait même effleuré ma main. À cette romanesque imagination, son cœur battit. Un sang plus chaud courut dans ses veines. Cette fiévreuse brûlure de l'amour la fit presque défaillir. Et tout de suite, sa conscience se réveilla. Me laisser dire par lui qu'il m'aime, le lui dire moi. Mais quand je me retrouverai ici avec François et que je lui rapporterai ce qui se sera passé, il y aura donc des choses que je lui cacherai. J'aurai écouté, lui absent, des mots que je n'aurais pas écoutés, lui présent. Il est si loyal. Il vient de me donner une telle preuve de sa confiance et je lui mentirai sur ce point encore. Non, non. C'est déjà si dur de lui mentir sur mes sentiments. Rien qu'à le voir entrer dans le salon quand l'autre sera parti. Si je ne peux pas tout répéter des paroles qui se sont prononcées là, je mourrai de honte. Que faire, cependant? Ah, s'il aimait ma sœur, tout simplement. Si je me méprenais sur toute son attitude depuis ces dernières semaines. S'il me déclarait qu'il n'a pas osé croire à la possibilité de ce mariage et qu'il s'est tu, à cause de cela. S'il l'épousait. Maintenant qu'Agathe est prévenue contre moi, par les révélations que lui a faites François, quel rapport aurait son ménage avec le nôtre? Nous nous verrions à peine et si mal. Cette amitié qui m'a unie à elle, malgré tant de malentendus, serait finie. Hélas, ne l'est-elle pas? Et du moins Agathe serait heureuse, et lui aussi. Avec cette grande fortune à sa disposition, toute sa carrière deviendrait si aisée. Il pourrait attendre son heure. Et s'il voulait entrer dans la politique avec sa gloire et cet instrument d'action, quel avenir? C'est ce mariage que je devrais souhaiter pour lui. Je le lui souhaite. Oui, je le souhaite. Oui, je ferai tout pour qu'il ait lieu. Et soudain, éclatant en sanglots et enfonçant sa tête lassée dans ses oreillers, « Ah, je l'aime, je l'aime. Et je ne veux pas que lui non plus ne le sache jamais, je ne veux pas. » Et tout épouvanté de cette explosion de sa douleur, elle tendait l'oreille pour écouter si aucun bruit ne venait de la chambre voisine. Elle tremblait que le pas de son mari ne lui annonçât qu'il avait surpris son gémissement. « François ne m'a pas entendu, se disait-elle. Il est bien heureux d'avoir sa science. Quand il travaille, il oublie tout, et il peut toujours travailler. » Madeleine se trompait. Et derrière cette porte qui séparait leurs deux chambres, un trouble bien grand ravageait le cœur de cet homme qu'elle croyait apaisé. Il était en effet sur ce point. Pour une période qui serait ou longue ou courte, suivant les incidents, l'idée fixe de la jalousie sentimentale contre laquelle il s'était emmeurtri ne le tourmentait plus. Cependant, il n'arrivait pas à reprendre avec un véritable intérêt le travail devant lequel il était attablé, et qui faisait vraiment une antithèse par trop saisissante à l'ordre de pensée où il venait de se mouvoir, lui et sa femme. Le médecin avait sous les yeux plusieurs clichés pris dans son service à l'hôpital. D'après deux malades atteints de l'énigmatique et horrible infirmité que Sir James Paget a décrite pour la première fois dans un célèbre mémoire en 1877. Le professeur Dieu la foi lui a consacré, en la dénommant ostéite déformante progressive, une de ces belles leçons de sa clinique de l'Hôtel Dieu, où la force de l'expression arrive à la plus haute éloquence. Liébo croyait avoir découvert la lésion initiale, inconnue jusqu'ici, qui détermine cette totale altération du squelette. Il avait rédigé une note importante qui devait illustrer ses photographies. L'incurvation des membres inférieurs appauvrie jusqu'au dessèchement, la saillie aiguë des épaules, le tassement du tronc, l'énormité du crâne faisaient de ces images d'effroyables exemplaires de misère humaine. De quoi retirer cet enseignement que nous sommes bien ingrats envers le sort, en nous créant des maux imaginaires, alors qu'il y a, de par le monde, tant de nos semblables atteints dans leur chair, et d'une façon si tragique. Le mari de Madeleine était, je l'ai déjà dit, de ces docteurs que le contact quotidien avec la souffrance n'a pas blasé, et qui demeurent capables de plaindre les malades qu'ils soignent, voire, chose plus rare, ceux qu'ils étudient. Les deux lamentables individus dont il avait devant lui les silhouettes macabres et au sujet desquels il préparait cette communication à l'Académie, il les avait vus mourir, le cœur essoufflé, le cerveau comprimé, dans le plus affreux marasme. Il ne se les rappelait même plus, à cette minute où son regard courait sur ses épreuves, sans rien remarquer que la littéralité des mots imprimés. Sa plume rectifiait une virgule, corrigeait un détail d'orthographe, et la seule réalité sentie par lui était celle de ses rapports avec sa femme et sa belle-sœur. « Madeleine l'a bien compris, » se disait-il. « Je ne peux pas ne pas avoir une nouvelle explication avec Agathe. Si ce mariage avec M. Brissonnet doit avoir lieu, il est indispensable que ce point de défiance ait été réduit, qu'il ait disparu entre les deux sœurs. Si ce mariage ne doit pas avoir lieu, il n'est pas moins nécessaire que tout équivoque soit supprimé. Il faut qu'Agathe soit bien convaincue que sa sœur n'aura été pour rien dans cette non-réussite de son projet. Mais quand vaut-il mieux que nous en ayons causé, elle et moi, après la conversation entre Madeleine et M. Brissonnet ou avant? Si je parle après, et que le résultat ait été celui que nous désirons, tout est bien. S'il se trouve avoir été contraire, Agathe me croira-t-elle? Évidemment, si je parle avant, mon autorité sera plus grande. Est-ce bien sûr? Oui, dans l'hypothèse du mariage. Mais dans l'hypothèse opposée, et après l'échec, Agathe ne me croira pas davantage. Ah, qu'elle me croit ou qu'elle ne me croit pas, c'est son affaire. La mienne est de réparer, et tout de suite, la faute que j'ai commise envers ma pauvre Madeleine. Oui, je parlerai à ma belle-sœur dès demain matin. Que me répondra-t-elle? Si François Liébo avait été complètement guéri par le pieux mensonge de Madeleine, comme il le disait, il le croyait, il n'aurait pas éprouvé une angoisse à se poser cette question. Ses susceptibilités du cœur, de la nature de celle dont il avait tant souffert, toute imprécise et toute imaginative, laissent derrière elles, chez celui qu'elles ont ravagé, une inquiétude étrangement morbide. Il se sent toujours au moment d'être repris par le doute, alors même qu'il affirme sa tranquillité. Quel regard aurait Agathe pour accueillir la rétractation du mari jaloux de la veille, transformé si soudainement? Quelle parole trouverait-elle à prononcer, capable de réveiller la défiance exorcisée à cette minute? Et s'il se taisait, ce calme signifierait-il qu'elle partageait la conviction de son interlocuteur? Parole ou silence? Finit par conclure le mari de Madeleine, en secouant sa tête pour chasser une appréhension qui allait devenir intolérable. « Je n'en tiendrai pas plus compte que de ceci. » Il fit le geste de lancer dans le feu la plume d'eau avec laquelle il corrigeait son épreuve. « Mon devoir est absolu. Je dois à ma femme de réparer le tort que je lui ai fait. Je le réparerai dès demain matin. Ma première visite en sortant de l'hôpital sera pour Agathe. Je m'en donne ma parole d'honneur. » De pareils serments, tous ceux qui ont aimé et souffert de la jalousie sentimentale le savent trop, ne sont jamais que des prétextes à parjure. Quand il s'agit d'affronter une scène, d'où nous risquons de sortir avec une crise nouvelle de la torturante maladie, que nous sommes ingénieux à nous chercher un prétexte pour la reculer. Le lendemain matin, le docteur Liébeau alla bien à son hôpital, mais l'adresse qu'il donna à son cocher quand il en sortit ne fut pas celle de Madame de Méris. La pendule fixée devant lui dans le coupé marquait midi qu'il n'avait pas encore fait cette visite à laquelle il s'était engagé vis-à-vis de lui-même si solennellement. Partagé entre sa terreur de se retrouver en face de sa belle-sœur et son remords de ne pas accomplir ce qu'il considérait comme une stricte obligation, il se rangea au parti le moins courageux. Que cela le blâme, qui n'a jamais cédé à cette tentation d'éviter à tout prix une présence trop redoutée. Il écrivit. Rentré chez lui pour l'heure du déjeuner, il avait demandé à son cocher d'attendre, et 20 minutes plus tard, cet homme déposait chez le concierge de l'énorme maison érigée au coin de l'avenue des Champs-Élysées ce billet à remettre aussitôt à Madame de Méris. « J'ai eu une explication avec M, ma bonne et chère Agathe. Je tiens à vous dire immédiatement que j'ai acquis la preuve absolue que nous nous sommes trompés tous les deux. Il faut, le naïf médecin avait souligné ce mot en le répétant, j'insiste, il faut que vous effaciez de votre esprit toutes les idées que vous vous étiez faites à cause de ma folle imagination. J'espère d'ailleurs que vous aurez une bonne nouvelle dès cet après-midi. M doit toujours voir qui vous savez. Si vous venez vous-même vers 3 heures, vous aurez sans doute la réponse. Si elle est telle que vous la désirez, personne ne sera plus heureux qu'elle et que votre frère dévoué. » Lettre presque implorative, dont la signature, un François Liébeau tout tremblé, attestait davantage encore la crise de faiblesse dans laquelle ces lignes avaient été tracées. Elle ne contenait pas une phrase dont tous les mots ne dussent être, pour une femme du caractère d'Agathe et dans sa situation d'esprit, une preuve de plus qu'elle y avait vu juste et que sa rivale avait eu, une fois encore, l'art de jouer une comédie. « Il n'a pas osé venir me raconter cela en face, » se dit-elle, après avoir lu ce peu courageux message. Elle froissa le papier avec une espèce de rancune sauvage, et sa déception se soulagea en criant tout haut « Le lâche, le lâche !» Elle avait passé la nuit à se demander si son beau-frère aurait l'énergie de tenir sa promesse. Au dernier moment, ne reculerait-il pas? Les scrupules de sa faiblesse qu'il prendrait pour des reproches de sa conscience ne prévaudraient-ils pas quand il s'agirait d'écouter cacher cette conversation entre Madeleine et Brissonnet, dont tout l'avenir de son bonheur à elle dépendait? « Il est jaloux, » s'était-elle répondu en pensée, pour réfuter les objections que la connaissance profonde des timidités du médecin lui suggérait. « Il est jaloux, et un jaloux ne résiste pas au besoin de savoir, pourvu seulement qu'il ne commette pas la folie d'avoir une explication avec Madeleine avant. Mais non. Il lui faudrait avouer qu'il est venu ici et qu'il m'a parlé. Un mari, même le plus aveuglé, ne fait pas de ces confessions-là. Et voici que ce billet lui apportait la preuve que cette confession, ce mari l'avait faite. Une scène de cette nature entre les deux époux supposait, de la part de la personne qui l'avait provoquée, et qui ne pouvait être que François, un extraordinaire état d'exaltation, celui dont Madame de Méris l'avait vu posséder. Hors de lui, c'était trop certain. Il n'avait pas gouverné sa parole. Il avait tout dit à Madeleine, pêle-mêle, tout. S'il en était ainsi, la sœur cadette connaissait le conseil que la sœur aînée avait donné à son mari. Cette idée suffisait pour qu'Agathe éprouvât contre son complice de quelques instants et qui venait de la trahir un passionné mouvement de haine. Elle n'eut pas le loisir de s'y livrer autrement que par cette insulte répétée rageusement « Le lâche, le lâche !» Une pensée qui touchait dans son cœur une fibre plus profonde que celle de l'amour-propre la traversait de sa pointe brûlante. Madeleine aime Brissonnet. C'est la chose sûre, celle dont je ne peux plus douter, et qui explique tout. Elle a trouvé le moyen d'abuser son mari. Le malheureux ne sera pas là tout à l'heure, quand l'autre arrivera au rendez-vous. Madeleine et lui seront seuls. Cette possibilité d'un tête-à-tête entre Madame Liébeau et le commandant n'était pas un fait d'ordre nouveau. L'idée en fut soudain aussi insupportable à la sœur jalouse que si ce tête-à-tête eût dû avoir lieu pour la première fois. Le caractère de sa cadette, lui non plus, n'était pas pour l'aînée une nouveauté. Elle le connaissait. Elle aurait dû plutôt le connaître assez pour ne jamais accuser Madeleine d'une abominable scélératesse. Et elle entrevoyait comme probable, comme indiscutable, cette sinistre histoire. Madeleine prenant à Agathe Louis Brissonnet comme amant. Et pour assurer la sécurité de cette intrigue, faisant jouer à sa sœur le rôle de paravent. Hypothèse affreusement et gratuitement inique et folle avec cela. D'où fussent venues, à une maîtresse heureuse, ses troubles profonds, dont les retentissements avaient ébranlé la santé de Madame Liébault au point de donner l'éveil au mari. Mais Agathe ne raisonnait plus. Elle avait repris la lettre de son beau-frère. Elle en éplait toutes les syllabes, et elle les traduisait comme il arrive, dans le sens de sa rancune, avec cette irrésistible ardeur de suggestion que la jalousie trouve à son service. Elle raisonnait. C'est Madeleine qui a dicté ces phrases. Je reconnais ses manières de s'exprimer, si insinuantes, si peu droites. Elle a empêché Liébault de venir me voir. Elle a craint ma perspicacité, et aussi que je ne défisse son œuvre. Après ce qu'il appelle, lui, une explication, elle est avertie que je sais beaucoup de choses. A-t-elle vraiment compté que je serais sa dupe, sur la seule affirmation de ce pauvre François? Pourquoi non? Si elle et Brissonnet s'entendent, depuis ces 3 mois, pour nous trahir, Liébault et moi, de cette infâme manière, ils doivent nous croire tous les deux aussi naïfs, aussi niais l'un que l'autre. Mais est-il possible qu'ils soient complices? Comment admettre que Brissonnet, un homme d'honneur, un héros, se soit prêté à une aussi vile, à une aussi honteuse manœuvre que celle qui aurait consisté à me faire la cour, au risque de troubler toute ma vie, sans m'aimer, et lié avec une autre, et quelle autre? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il n'a pas fait cela. Elle n'osait pas ajouter, même tout bas et pour elle seule, il ne m'a pas fait cela. C'était là le point le plus profond et le plus sensible. Toute l'attitude du jeune homme vis-à-vis d'elle depuis ces 3 mois lui avait si souvent donné l'illusion qu'il l'aimait. Elle s'était si complaisamment caressé le cœur à cette chimère. Elle-même nourrissait pour lui un sentiment si vrai. Cette hypothèse qu'il eût joué la comédie avec elle et par passion pour sa cadette lui déchirait toute l'âme. Et revenant à cette lettre qui lui avait annoncé l'échec de son plan d'espionnage, Liébault souffrait pourtant hier autant que moi. Il aime sa femme, il est jaloux. Il peut savoir et il ne veut pas savoir. Ah, si j'étais lui. Ce « si j'étais lui » était gros d'une tentation détestable mais si attirante. Une nouvelle idée commençait de lever dans l'esprit d'Agathe de Méris. La cachette est là, si j'étais lui. Pourquoi ne pas prendre sa place puisqu'il la déserte? Elle se vit tapie derrière cette porte qui communiquait du cabinet du médecin au petit salon de Madeleine. Si sa cadette était loyale avec elle, quel tort lui ferait l'aîné en écoutant cette conversation? Aucun. Si au contraire Madeleine la trahissait, n'avait-elle pas le droit d'acquérir à tout prix la preuve de cette trahison? Liébault lui disait de venir vers 3 heures. L'entretien avec Brissonnet était donc fixé, comme Madeleine l'avait dit, entre la fin du déjeuner et ce moment vers 2 heures. Agathe se surprit à regarder la pendule. Elle marquait un peu plus d'une heure. Immobile, elle demeura indéfiniment à suivre les allées et les retours du balancier. La tentation grandissait, grandissait. Quand il ne resta plus que 10 de ces petites hachures qui représentent les minutes, entre la pointe de la grande aiguille et le chiffre 2, la jeune femme ne fut plus maîtresse de cet appétit impérieux qui la dévorait. Elle s'habilla, descendit son escalier, prit une voiture, dans une sorte de somnambulisme dont elle ne s'éveilla qu'en se retrouvant sur le trottoir de la rue Bénouville, à l'angle de la rue Spontini. C'était l'adresse qu'elle avait donnée au cocher. Elle réalisa d'un coup l'énormité de l'acte qu'elle s'apprêtait à commettre. Elle allait y renoncer quand une silhouette aperçue dans un fiacre lui rendit sa frénésie, accrue encore. Elle venait de reconnaître Brissonnet. Elle le vit qui s'élançait sur le trottoir devant l'hôtel des Liébault. Il consulta sa montre, du geste de quelqu'un qui se croit en retard. Quand la porte se fut refermée sur lui, la résolution d'Agathe était de nouveau prise. Le plan ébauché dans sa pensée était très simple. Demander à monter dans le bureau de son beau-frère, sous le prétexte qu'elle avait un livre à y prendre, en priant que l'on ne dérangeât pas sa sœur. Quand elle eut pressé sur le bouton, le bruit du timbre retentit dans tout son être. Mais déjà, cette porte était ouverte devant elle, comme tout à l'heure devant l'officier. Elle avait débité son mensonge, et elle montait droit au bureau sans que le valet de chambre pensât une seconde à la suivre. Quelle idée se ferait cet homme en ne la voyant pas redescendre? Ah, que lui importait, pourvu qu'elle entendît. La voici dans la pièce d'attente, dans le cabinet de consultation. Elle marche vers la porte, derrière laquelle celui qu'elle aime et sa rivale sont en train de causer librement, se croyant seuls. Tous les bruits s'étouffent dans cette chambre aménagée pour assurer le plus complet secret aux confidences des malades. Une première tenture était fixée sur cette porte de manière à bouger avec le battant. Une seconde tenture en tapisserie retombait de l'autre côté afin qu'aucun éclat de voix ne pût arriver du cabinet au petit salon, ou du petit salon au cabinet. C'est bien sur cette particularité qu'Agathe avait compté. Ses doigts brûlants écartent la première tenture. Elle tient la poignée de métal de la serrure. Elle presse sur le pêne, lentement, doucement. Elle attire à elle la porte qui vire sur ses gonds avec un grincement, mais si faible. Elle touche maintenant l'étoffe de l'épaisse doublure de l'autre portière. Elle écoute. C'est Brissonnet qui parle. « Alors, si je vous comprends bien, madame, » disait l'officier, « mes assiduités auprès de madame de Méris auraient été remarquées. »« Elles l'ont été, » repartit la voix de Madeleine, avec une fermeté dont Agathe commença de s'étonner. Mais ce qui l'étonnait davantage encore, c'était cette évidence que sa sœur ne lui avait pas menti. Elle tenait à Brissonnet précisément le discours qu'elle avait annoncé. Il allait être obligé de déclarer ses vrais sentiments. Ah, que le cœur de la femme jalouse battait vite. Si cet homme hésitait, c'est qu'il ne l'aimait pas. Il reprit, d'un timbre sourd où Agathe devina une émotion grandissante. « Vous me voyez bien au regret, madame, d'une conséquence de ma conduite à laquelle j'étais loin de m'attendre. Dites-moi du moins que vous ne m'avez pas, vous, cru capable de compromettre une femme, le sachant. Je n'ai jamais fait la cour à madame de Méris. Je vous en donne ma parole d'honneur. Elle-même en témoignera. Mais puisque vous considérez que j'ai été imprudent, à partir d'aujourd'hui je me conduirai de telle manière que les plus malveillants devront changer de langage. » « Que voulez-vous dire ? » interrogea Madeleine. « Quand quelqu'un, aussi en vue que vous l'êtes, a trop intimement fréquenté le salon d'une femme, il la compromet davantage encore en cessant avec trop de brusquerie ses visites. Prenez garde à ce que vous déciderez. Pensez bien que le monde n'est pas si aveugle. Il sait très bien que les soudaines ruptures de relations cachent presque toujours un mystère. Si l'on a remarqué vos assiduités, on ne remarquerait pas moins votre absence. On en chercherait la raison dans une brouille. » À cause de quoi ? Ma sœur n'est pas de celle dont on peut incriminer la conduite. Il ne restera qu'une hypothèse, la plus naturelle. » Cette fois, son intonation était moins ferme pour conclure. « Car enfin, un honnête homme, et je sais combien vous l'êtes, ne peut pas avoir eu de motif pour s'intéresser à une jeune femme du moment qu'il est libre et qu'elle est libre. » « Je crois vous comprendre, madame, » répondit Brissonnet après un nouveau silence. En effet, vous avez dû croire cela de moi. Je l'aurais cru moi-même d'un autre. Madame de Méris est veuve, elle est charmante. Tout homme serait fier, très distingué par elle, et de lui donner son nom. Il eût été trop naturel que cette ambition fût la mienne. Puis, d'une voix assourdie, il continua. Je ne l'ai pas eue. Maintenant que vous me parlez, mes yeux se dessillent. La vérité de ma situation m'apparaît. Mes assiduités auprès de madame de Méris semblaient traduire des sentiments que je n'avais pas pour elle. Je professe à son égard le plus profond respect. Mais je ne l'aime pas et je n'ai jamais pensé qu'elle pût me faire l'honneur de m'accorder sa main. Vous m'affirmez que dans ces conditions, le parti que je me préparais à prendre, qui était de suspendre presque complètement mes visites chez elle, risquerait d'aggraver les choses. Je ne saurais vous prouver mon absolue bonne foi, madame, plus clairement qu'en vous disant « Dictez-moi vous-même ce que vous jugez que je dois faire, je le ferai. Je tiens trop à votre estime et à celle de madame de Méris. Rien ne me coûtera pour conserver l'une et l'autre. » « Je n'ai pas qualité pour vous donner un conseil, monsieur, » repartit Madeleine. « Mais de plus autorisés que moi ont pris les devants. Vous-même, ne nous avez-vous pas rapporté l'autre jour, à ma sœur et à moi, une conversation que vous avez eue avec le général de Jarde ? Ce chef si distingué vous a dessiné le plan de votre avenir. Vous hésitiez, m'avez-vous dit, à suivre son avis. Cependant, vous en reconnaissez la sagesse. Si je vous entends bien, madame, vous voulez dire que je devrais reprendre du service et m'en aller très loin de Paris pour très longtemps. C'est la plus sûre manière d'empêcher que l'on ne continue de parler, répondit madame Liébeau. Sa voix aussi s'était un peu altérée. Son émotion croissante ne l'empêcha pas d'insister. Même dans une difficulté où il s'agit de ce que j'ai de plus cher, la réputation de ma sœur, je me serais fait un scrupule de seulement mentionner cette solution, si l'autorité de M. de Jarde ne m'était une garantie qu'elle est aussi très conforme à votre intérêt. « Je vous remercie de cette sollicitude, » interrompit Brissonnet. « L'irritabilité des hommes nés pour l'action et qui se dominent malaisément avait passé dans cette trop vive réplique. et surtout l'ironie douloureuse de la passion méconnue. « Oui, madame, » reprit-il, « je vous remercie. Vous serez obéie. En sortant de chez vous, j'irai chez M. de Jardes. Ma demande pour le Tonkin sera signée dès ce soir. D'ici là, je me retirerai en province, chez mes parents. J'ai à leur dire adieu avant un nouvel exil qui finira, Dieu sait quand. On ne me verra plus dans le monde de Madame de Méris, et le motif de mon absence sera d'un ordre aussi professionnel qu'il évitera les commentaires. Vous avez raison. Quand un homme d'honneur a commis des imprudences, même à son insu, il se doit de les racheter. Ce n'est que juste. Et pourtant non. » Continua-t-il plus âprement, « ce n'est pas tout à fait juste. Il y a une trop grande disproportion entre les torts d'attitude que j'ai pu avoir et le sacrifice que je vais accomplir. Ah, madame !» Et son accent se fit déchirant. « Laissez-moi du moins, avant de m'en aller, vous avoir dit quelque chose encore. Permettez-moi de vous raconter une histoire, l'aventure d'un de mes amis, d'un soldat comme moi. Il avait rencontré une femme accomplie, une de ces créatures idéales comme on rêve d'en avoir une, enfant pour mère, frère pour sœur, adolescent pour fiancé, homme pour épouse. Cette femme, elle, n'était pas libre. Malgré son existence passée tout entière dans des compagnies peu scrupuleuses, mon ami n'était pas de ceux qui se font un jeu de troubler la paix d'un ménage. S'il éprouva aussitôt pour cette femme une sympathie passionnée, il se jura lui-même non seulement de ne jamais la lui dire, mais de ne pas la lui montrer. Et il s'est tenu parole des jours, des semaines, des mois. Celle qu'il aimait avait une sœur qui lui ressemblait, dans de certains moments à les prendre l'une pour l'autre. L'insensé dont je vous raconte le malheur avait bien tenu son serment. Mais précisément, parce qu'il se sentait ou croyait se sentir assez d'énergie pour le tenir jusqu'au bout, il s'était laissé aller à vivre dans le milieu de celle qu'il aimait. Je vous ai dit que c'était un insensé, mais c'était aussi un homme qui savait aimer, je vous le jure. Ses bonheurs étaient de respirer dans le même air que cette femme, de la rencontrer et d'entendre sa voix, de causer avec elle et de découvrir à chaque nouvelle occasion un prétexte de plus pour justifier à ses propres yeux le culte qu'il lui avait voué. Il eût été complètement heureux, dans cet amour sans espoir, s'il avait pu venir chez elle tous les jours et demeurer en sa présence, sans lui parler, à la contempler, l'écouter parler, penser, sentir. Ses visites quotidiennes lui étaient interdites. D'autres lui étaient permises, du moins il crut qu'elles lui étaient permises, à cette sœur dont la quasi-identité de trait avec celle qu'il aimait était si saisissante. Mon ami se laissa aller sans réfléchir à cette tentation de tromper par cette ressemblance la passion qui le dévorait. Il prit l'habitude de se rendre au théâtre, en soirée, à la promenade. Partout, il était sûr de rencontrer cette sœur, sur le visage de laquelle sa rêverie reconnaissait, avec quelle émotion, cette grâce adorable dont il était épris, pas tout à fait la même, mais si pareille. Et puis, une heure vint où cette même pauvre joie lui fut interdite. Alors il lui fut insupportable que les motifs auxquels il avait cédé fussent méconnus de la seule personne à l'opinion de laquelle il tint. Pour la première et la dernière fois, il manqua la parole qu'il s'était donnée lui-même. Qu'il ne s'en aille pas, madame, sans emporter cette consolation que vous lui avez pardonnée et que vous l'avez compris. « J'ai compris, monsieur Brissonnet, » répondit la voix de Madeleine, toute frémissante, et comme cette preuve de son émotion fit mal à Agathe. « J'ai compris que vous m'avez parlé comme personne ne m'a jamais parlé, comme personne ne me parlera jamais. Vous avez oublié que je suis mariée, mère. Vous n'avez respecté en moi ni mon mari ni mes enfants. Vous m'avez pour toujours empoisonné le souvenir de relations que j'avais crues simples, honnêtes, droites, et elles ne l'étaient pas. Adieu, monsieur. Je vous demande de partir d'ici, sans ajouter un seul mot. Vous ne voudrez pas m'avoir obligé d'appeler. « Madame !» s'écria le jeune homme avec une supplication, puis éclatant en sanglots. « C'est vous qui me répondez ainsi, vous, vous !»« Ah, malheureux !» Pourquoi ne me suis-je pas tué jusqu'au bout? Pourquoi n'ai-je pas emporté avec moi un secret que j'avais si bien caché? Madame, je vous en conjure, ne dites pas, ne pensez pas que je ne vous ai pas respecté. N'ayez pas peur de moi, surtout. Ne me faites pas cet affront. Permettez-moi de vous expliquer. Je ne vous permets rien, dit Madeleine, je vous laisse. vous comprendrez que vous n'avez plus qu'à vous retirer et ne plus revenir. » En disant ces mots, elle marcha vers la porte qui séparait le petit salon du cabinet de son mari. D'un pas si rapide qu'Agathe, paralysée par sa terreur d'être découverte, n'eut littéralement pas le temps de s'effacer. Madeleine souleva la portière, elle aperçut sa sœur, et son saisissement fut tel que ses jambes défaillirent. Elle dut s'appuyer contre le mur en continuant de s'accrocher de sa main droite à l'étoffe. Agathe se tenait, la tête baissée, elle avait fait un pas en avant pour arrêter sa sœur. Maintenant elle n'osait plus avancer. Brissonnet, lui, après avoir jeté une exclamation de surprise, regardait alternativement les deux sœurs. Toutes sortes de sentiments passaient sur son expressive et mâle physionomie. Enfin, l'indignation l'emporta, et s'adressant à Agathe, il lui dit « Ah, Madame de Méris, comment avez-vous pu ?»« Monsieur Brissonnet, » supplia la jeune veuve. « Tu n'as pas à te justifier, je ne veux pas que tu te justifies, » s'écria Madeleine, qui avait eu la force de se dresser entre sa sœur et l'officier. « C'est moi, monsieur, » continua-t-elle en se tournant vers Brissonnet, « qui ai voulu que ma sœur assiste à cacher à notre entretien. »« Oui, » insista-t-elle impérieusement, « c'est moi. » »« J'ai voulu qu'elle apprît de votre propre bouche le détail de vos vraies intentions sur le seul point que vous eussiez dû aborder. Ce n'est ni sa faute ni la mienne, si vous en avez abordé un autre. »« Vous ai-je bien entendu, madame ?» dit Brissonnet. « Non. » « Ce n'est pas possible que vous vous soyez prêté à une pareille trahison, car c'en est une que de faire espionner quelqu'un qui, lui, était d'entière bonne foi. C'est une trahison que... »« Je vous ai prié tout à l'heure de vous retirer, monsieur Brissonnet, » interrompit la courageuse femme. « À présent, je vous l'ordonne. Je suis chez moi, et je vous dispense, vous qui venez de me parler indignement, de qualifier une action de ma conscience et seul juge. » « Madeleine, » implora de son côté Agathe. Sa sœur lui avait saisi la main pour l'arrêter, avec une violence qui lui coupa la parole pendant un instant bien court. Il suffit pour que l'officier, qui avait pâli sous l'outrage d'une manière affreuse, avisa son chapeau, et se dirigeant vers la porte, il sortira en effet, en s'inclinant profondément du côté des deux femmes. Quelques minutes plus tard, le bruit du battant d'en bas, ouvert puis refermé, attesta qu'il avait obéi à l'insultante injonction. Et voici que devant le sacrifice accompli, le cœur de Madeleine se brisait de désespoir et elle sanglotait. « Il est parti. Je ne le reverrai plus jamais. Je l'ai voulu. Jamais. Jamais. C'est donc vrai que tu l'aimes aussi ?» demanda Madame de Méris. « Ah, passionnément, » répondit-elle. « Et tu as plaidé ma cause avec cette chaleur ? Tu as voulu me le donner ? Tu m'as sauvé l'honneur devant lui. Comment obtiendrai-je de toi mon pardon ? Gémit Agathe. En m'aidant à vivre et à tout cacher à François, répondit Madeleine.